La Maison de l'Astronomie, le monde de l'observation, vous présente les podcasts de Ciel et Espace. Retrouvez toutes nos références en astronomie, nature et globe terrestre sur maison-astronomie.com. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, troisième et dernière partie de notre reportage consacré au plus vénérable observatoire astronomique du monde, l'Observatoire de Paris, fondé en 1667 sous le règne de Louis XIV. L'astronome James Lequeux, qui vient de co-diriger chez Gallimard un ouvrage collectif intitulé « L'Observatoire de Paris, 350 ans de science », nous a reçus dans les plus belles salles de ce lieu magique. Pour cette troisième émission, où nous évoquerons les avancées de l'entre-deux-guerres, James Lequeux nous a donné rendez-vous dans la salle de l'horloge parlante. Quatrième top, il sera 17h53. James Lequeux, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes avec vous entourés de machines plus étranges les unes que les autres. Il n'y a pas un télescope en vue, pas la moindre carte du ciel. Où sommes-nous exactement? Nous sommes dans le domaine du temps ici, dans le domaine de l'heure. Et c'est cette salle se trouve au plus bas niveau de l'observatoire. Et elle contient différents avatars de l'horloge parlante. L'horloge parlante, il n'y a que les anciens qui connaissent ça. Les jeunes n'ont pas entendu parler de l'horloge parlante, mais c'était pourtant comme ça que le temps était diffusé au siècle dernier. 36-99, l'horloge parlante. Alors 36-99, on peut encore l'avoir, mais disons que plus il y a de moins en moins de monde qui l'écoute, car l'heure vient sur les ordinateurs via les serveurs informatiques avec une très grande précision. L'heure qui vient toujours de l'observatoire. De toute façon, elle vient de l'observatoire de Paris. Alors, l'observatoire, c'est plutôt le sanctuaire de l'astronomie, d'ailleurs, comme on disait dans les années 20. Pourquoi, finalement, un service de l'horloge parlante ici? Eh bien, au 19e siècle, on s'est beaucoup intéressé à la diffusion de l'heure. C'est lié avec les débuts de la radio. Et là, vous savez, par exemple, que la Tour Eiffel doit son existence, le fait qu'elle est encore là, c'est parce qu'elle a servi d'antenne pour diffuser les signaux radio. Sinon, elle aurait disparu. C'est-à-dire que l'Observatoire a contribué à sauver ce patrimoine national? Disons, l'astronomie a contribué à sauver ce patrimoine national. L'heure partait de l'Observatoire, était envoyée à la Tour Eiffel par un télégraphe, et elle était diffusée par radio à partir de la Tour Eiffel. Ça a commencé très tôt. Les premiers essais datent de 1910. Et après la Première Guerre mondiale, c'était déjà de la routine. De quand date cet intérêt pour la mesure du temps à l'Observatoire de Paris? L'Observatoire de Paris a toujours été intéressé par le temps. Le temps, c'est l'affaire des astronomes. C'est depuis toujours. On a dans le livre que nous avons édité chez Gallimard, il y a une image amusante qui représente une procession d'horlogers qui viennent prendre l'heure à l'observatoire. Oui, une gravure du milieu du 19e, très amusant, du début avec des gens en habit et qui viennent régler leur montre à l'horloge. Les horlogers viennent régler leur montre à l'observatoire. Ce qui signifie que pendant longtemps, finalement, l'horaire réel, d'une certaine manière, il était disponible ici à l'Observatoire à Paris et pas vraiment ailleurs en France. Mais non, mais chacun avait son heure. Au 19e siècle et jusqu'aux années 1880, chaque ville et même chaque village avait son heure et on réglait tous les jours l'horloge au passage du soleil au méridien. Alors ici, ça se faisait avec cette magnifique méridienne et d'autres instruments d'ailleurs. Mais dans les villages, on la réglait avec un cadran solaire, on la réglait avec ce qu'on pouvait, si vous voulez. Mais il y avait chacun avait son heure différente. Et c'est le développement des chemins de fer qui a fait qu'on a unifié l'heure finalement, et l'heure légale a été l'heure de l'Observatoire de Paris. Et ça, c'était dans les années 1880. Alors, est-ce qu'on pourrait expliciter ou détailler le rôle d'un astronome, d'un directeur d'observatoire qui a beaucoup compté, qui est Bayeux dans cette histoire? Alors, Bayeux a commencé à s'intéresser donc à l'heure, mais surtout Bayeux était quelqu'un qui avait des visées internationales. Et il admirait beaucoup les astronomes américains, d'ailleurs. Et il est c'est celui qui a fondé la plus ancienne des unions scientifiques internationales, l'Union astronomique internationale, qui a été fondée juste après la guerre de 14, en 1919, hein, et qui existe toujours. Tous les trois ans, les astronomes du monde entier se réunissent à un lieu variable, et sous l'égide de cette Union astronomique internationale. Alors Bayeux a commencé à s'intéresser à l'heure de plus près, et a commencé donc à diffuser l'heure par télégraphe, comme on disait tout à l'heure. Et puis, on a repris aussi le problème des longitudes, car maintenant, le problème des longitudes consiste à mesurer la différence de temps entre des horloges qui se trouvent dans les différents lieux où, entre lesquels on veut mesurer la différence de longitude. C'est la différence de ces temps qui donne la longitude. Mais il faut pouvoir, pour cela, comparer les horloges. Et la meilleure méthode, à partir de l'apparition de la TSF, c'était d'utiliser des signaux radio. Et on a, à ce moment-là, refait complètement toutes les mesures de longitude sur la Terre entière. Et ça a considérablement amélioré la géographie. D'où, effectivement, donc, l'intérêt des horloges, dont on avait parlé dans la première émission avec Cassini, avec cette problème de la mesure du temps pour la mesure des longitudes. Exactement. On se rend compte qu'avec une horloge précise, on règle ce problème parce qu'on peut comparer les horloges avec une très grande précision grâce aux signaux radio. Alors, nous sommes ici dans une salle qui s'appelle, en fait, la salle Esclangon. Salle Esclangon. Qui était ce Alors, Esclangon, c'est le successeur personnage. De Bayeux. Et lui, il s'est intéressé presque exclusivement au problème du temps. Et il a conçu un système de distribution du temps qu'on appelait l'horloge parlante. Et alors cette horloge parlante existe toujours sous une certaine forme, mais elle a été créée en 1933. Pourquoi ? Eh bien, l'observatoire, quand le téléphone s'est développé, l'observatoire recevait des quantités d'appels téléphoniques de gens qui voulaient savoir l'heure. Et c'était insupportable. Et Esclangon a conçu un système automatique qui diffusait l'heure sans intervention humaine. Alors ce système, ça date de 1933, c'est l'horloge parlante, et elle est née en même temps que le cinéma parlant. Exactement en même temps. Et nous l'avons devant nous dans nous cette salle. Nous l'avons devant nous. Alors c'est un instrument assez joli, où il y a un gros cylindre tournant au centre. À l'intérieur de ce cylindre, il y avait des lumières, et il y a à l'extérieur des cellules photoélectriques qui mesurent cette lumière. Alors cette lumière est modulée par des bandes plus ou moins transparentes qui sont l'équivalent exact des bandes sonores du cinéma parlant initial. Ces bandes, d'ailleurs, le cinéma parlant, ça a marché comme ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps. À l'heure actuelle, on a abandonné ce système, mais il y avait sur le côté du film une bande plus ou moins obscure qui modulait la lumière reçue par une cellule photoélectrique et s'était transformée en son. Donc là, c'est la même chose. Et alors, vous avez trois séries de bandes qui correspondent à l'heure, qui correspondent aux minutes et correspondent aux secondes, parce qu'on donnait l'heure toutes les 10 secondes aussi. Et puis, il y a une voix humaine qui est enregistrée, qui dit au quatrième tour qu'il sera exactement. Et voilà. Donc, tout cela était réalisé par ces bandes plus ou moins transparentes qui sont enroulées sur ce cylindre. Est-ce que c'est la voix d'un astronome qu'on a vu au bout du film ? Non, c'est pas la voix. On a pris, pour le premier enregistrement, qui date de 1933, la voix de l'unique speaker de la radio française, qui s'appelait Marcel Laporte, alias Radiolo. Et c'est cette voix qu'on a entendue pendant extrêmement longtemps, enfin jusqu'à 1965 en réalité. Et puis ensuite, il y a eu d'autres horloges parlantes. Celle-ci était un peu vétuste, on l'a remplacée par des systèmes plus modernes. Et les speakers sont différents. À l'heure actuelle, il y a une alternance d'une voix féminine et d'une voix masculine qui donne l'heure en faisant le 36-99. Autrefois, c'était Odéon 84-00. Alors, il y a d'autres machines autour de nous, avec, on voit des cadrans, manifestement des horloges partout. Ce sont des horloges qui ont été utilisées pour ce service de l'horloge parlante ou bien c'est un petit peu un musée des horloges parlantes. Alors vous en avez une qui n'est pas très spectaculaire parce que c'est complètement une boîte fermée, qui est l'horloge parlante de 1965. Vous en avez une autre là-bas qui ressemble à un panneau électronique assez moderne. C'est celle de 1975, etc. Et puis alors la dernière version, vous ne la voyez pas, elle est quelque part dans les caves. et c'est celle qui diffuse l'heure avec une précision qui est très grande à l'heure actuelle. 3 dix millièmes de seconde, je pense. Donc ça veut dire que finalement, la mesure du temps fait toujours partie des observations. Et elle fait partie aussi des attributions de l'observatoire. Il y a un laboratoire très important qui s'appelle le laboratoire primaire de temps et des fréquences qui sert à la définition du temps avec une précision extraordinaire, ce qui est nécessaire pour le GPS, par exemple. Alors c'est international, hein, il y a un laboratoire français, mais il fait partie de tout un réseau de laboratoires qui mesure le temps sur le plan mondial. Et c'est extrêmement utile. S'il n'y avait pas une mesure extrêmement précise du temps, le GPS ne fonctionnerait pas. Donc c'est très très important dans la pratique. Alors nous avions commencé avec la mesure des longitudes par Cassini, on termine avec les horloges parlantes, un long voyage dans le temps pour le coup. Aujourd'hui, à l'Observatoire, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les activités de l'Observatoire de Paris au XXIe siècle? Disons, on fait tout. L'Observatoire de Paris, c'est une institution très importante. C'est avec le Center for Astrophysics de Harvard, c'est l'observatoire le plus important au monde quant au nombre de personnes, si vous voulez. Il y a plus de 300 astronomes et puis un assez grand nombre de techniciens, d'ingénieurs, administratifs. Il doit y avoir à peu près 700 ou 800 personnes en tout. C'est un très gros observatoire et on touche pratiquement tous les domaines de l'astronomie. Mais on n'y fait plus d'observation. Oui, parce que le ciel de Paris étant ce qu'il est, on ne peut pas faire grand-chose. Donc les observations, on les fait dans des endroits très éloignés où les conditions sont meilleures. Au Chili, par exemple, dans le cadre de l'Observatoire européen austral, ou à Hawaï, où nous avons, avec les Canadiens et l'Université d'Hawaï, un télescope de 3,60 m. Et en radioastronomie, c'est la même chose. Il y a des observations à Nancy, dans le Cher. Et puis, il y a aussi les instruments de l'IRAM, Institut de radioastronomie millimétrique, qui se trouve sur le plateau de Bure, près de Gap, et aussi dans la Sierra Nevada, au sud de l'Espagne. Et à l'heure actuelle, on est en train de construire un énorme instrument de radioastronomie en ondes millimétriques au Chili, dans le cadre de l'Observatoire européen austral. Ça s'appelle ALMA. Donc, vous voyez, on se sert de tous les instruments. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Pas dans le bâtiment ancien qui est extrêmement mal commode, mais dans un bâtiment moderne qui donne sur l'avenue d'Enfer Rochereau, ben nous avons nos bureaux avec un ordinateur. Et comme tout le monde, on passe de la journée devant un écran d'ordinateur. Malgré tout, on peut quand même signaler que ce lieu magique, l'Observatoire de Paris, peut se visiter, notamment à l'occasion d'événements comme la Nuit des Planètes, où les gens ont par exemple l'occasion d'aller voir cette grande lunette qui est sur la terrasse de l'Observatoire. C'est quand même un lieu qui peut se visiter, qu'on invite vraiment les gens à venir voir cet endroit assez magique. C'est un peu un musée, mais malheureusement, nous n'avons pas le personnel nécessaire pour en faire un musée ouvert envers à permanence. Donc, on ne peut le visiter qu'à l'occasion de certains événements. Par exemple, il y a presque toujours une exposition. Chaque année, il y a une exposition. Cette année, elle est consacrée à Jean-Dominique Cassini et elle va durer jusqu'à Noël. Et on peut la visiter sous forme de groupe. Il faut que les gens qui veulent la visiter se groupent ensemble et moyennant quoi, ils ont droit à une visite guidée. Et parfois par vous-même. Et souvent par moi-même. Merci beaucoup à vous, James Lequeux, pour ce passionnant voyage au cœur de l'Observatoire de Paris. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à l'ouvrage L'Observatoire de Paris, 350 ans de science, publié chez Gallimard. Merci. 350 ans de science à l'Observatoire de Paris, c'est terminé. Cette série de podcasts présentée par David Fossé a été réalisée par Xavier Raymond. À bientôt sur cielespaceradio.fr.